Le groupe Bellucci, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono, Top Chrono. Bonsoir et bienvenue dans Top Chrono. Et oui, c'est la dernière, juste avant de couper la bûche, puisque vous savez que toute l'équipe de Top Chrono pour Noël se reposera. On se retrouvera le 9 janvier. Bien sûr, on sera en 2017. Et puis en plus, on ira bien faire la fête comme vous, je l'espère. Ce soir, c'est un petit peu la course au cadeau. Hein. J'espère que vous aussi, vous êtes dans votre voiture, vous êtes en train d'écouter Top Chrono Weekend, 1h30 de sport. Restez avec nous, vous allez voir, on va dérouler un petit peu le film de ce qui s'est passé ce week-end. Et on reviendra bien sûr avec mes confrères sur toute l'actualité sportive. Mais pour l'instant, un monsieur venu d'autre part, puisque lui était de l'autre côté de la planète, il était à La Réunion. C'est monsieur Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir à tous. Ah oui, vous voyez, le voyage a fait qu'il en a presque perdu la voix. On espère le retrouver très bientôt. Avec le décalage horaire, c'est pas trop dur Gilles. Non, ça va. Ouais. Alors le directeur d'antenne, François Gomez qui fout le camp. On voulait juste l'avoir pour la dernière émission. Tapis, on ne l'aura pas. Hein. On voulait savoir s'il allait très bien lui aussi. Mais bien sûr que je suis là. Ouais, parce que c'est la dernière de 2016, ben messieurs. Oui, oui. Tiens, on va faire un petit tour de table avec Didier Bougon qui a pris un coup de pied à la mule. Tout à fait. Tu crois ça? Non, c'est pas ça. Non. C'est le titre d'une course qui s'est déroulée ce week-end. Une course qui aura 10 ans l'année prochaine, qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine. C'était fabuleux. Tiens, juste à mes côtés, Henri qui vient d'arriver. Monsieur Ballon, foot, tu es content que l'OM a gagné 2-1? Ah, je suis très content. 2-0, pardon. 2-0, oui. Et puis Jean-Yves, mon acolyte, qui est à mes côtés. Bonsoir Jean-Yves, cette fois-ci, terminé, enfin, tu es là pour la dernière. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et oui, je suis là, j'allais pas manquer la fiesta à laquelle va nous inviter le directeur d'antenne juste après l'émission. Ah, tiens, une bonne nouvelle. Tiens, revenons sur le sommaire de cette émission. Alors, on déroulera dans quelques minutes. Si je me permets, Frédéric, c'est demain, la fiesta. D'accord. Au West Coast Café. À partir de 20h. On n'a pas été invité. On n'a pas reçu les invitations. Il faut se tenir au courant, les garçons, dis donc. Eh bien, écoutez, ne quittez pas Fly FM. 1h30 de sport pour l'instant. Et vous avez entendu l'invitation, c'est bien sûr sur Fly FM, en direct de ce fameux concert demain soir. C'est bien ce qu'il a dit. Hein. Ouais, c'est bien ce qu'il a dit. Écoutez, on le découvre, mais on va le prendre au mot. On sera là demain soir. Allez, présentation de cette soirée avec du rugby à 13 dans quelques minutes. Nous parlerons bien sûr de l'élite 1, du SOA et d'entraide pour la Coupe Lord Derby. Ça sera au tour de Jean-Yves de venir nous expliquer tout ce qui s'est passé en basketball. Ben, ce soir, c'est le grand dossier de la Nationale 1. Rien ne va plus. Défaite et en plus, une place de dernier au classement. Nous écouterons Lioré, nous écouterons Stéphane Daou, l'entraîneur de Vichy, qui reviendra sur cette défaite et qui nous dira à quoi il faut s'attendre dans cette équipe d'Avignon. Est-ce qu'on ne va pas les retrouver l'année prochaine en National 2? Il ne fallait peut-être pas le dire, mais on l'a déjà dit. En rugby à 15, on reviendra sur les résultats des séries. En football, c'est M. Henri qui vient d'arriver avec tous les résultats du championnat méditerranéen et à la fois du Ronde d'Urance, l'athlétisme, le coup de pied de la mule. Là aussi, nous ferons vraiment un tour d'horizon de cette fabuleuse course juste avant Noël et nous aurons avec les sons de Urtis Muriel et la championne, pas olympique, mais championne du monde par équipe. Nous aurons Serge Audu qui reviendra sur cette course qui risque de disparaître dans 2 ans. Il en avait gros sur lui et il s'est exprimé. Et on aura aussi M. Fournassier qui, lui, nous dira que ça a été un succès fabuleux. On parlera aussi du hockey sur glace. On verra qu'Avignon, rien ne va plus non plus. Et bien sûr, ce soir, focus, c'est le club de Sorgue d'athlétisme qui est à l'honneur, Didier. Qui est invité, qui nous parlera de son cross et également de son jumelage aussi avec la foulée Castelpapal pour sa participation au niveau des jeunes donc de la semaine dernière. Ainsi que l'association Atom, qui est une association qui est là pour aider les handicapés. Eh bien ça c'est merveilleux dans cette émission. Noël, c'est le grand moment pour laisser la parole à tout le monde. Mais pour l'instant, vous êtes prêts? Attention, c'est parti pour 1h30 de résultats. Top Chrono, rugby à 13. Allez Jean-Yves, on revient un petit peu sur ce sujet. Le rugby à 13, élite 1, le SOA a joué à domicile, tandis que dans le Lord Derby, Carpentras en a fait de même, une belle victoire aussi. Ouais, on va commencer par la Coupe Laure Derby, comme ça on va l'évacuer, celle-là, vite fait. La Coupe Laure Derby, c'est la Coupe de France de rugby à 13 qui oppose l'ensemble des équipes. Alors, les Carpentraciens ont gagné ce tour de Coupe Laure Derby, c'était le deuxième tour, c'est le début de la Coupe. Ils ont remporté une belle victoire sur le score de 20 à 18 face à Ville-Gaillenc, bravo à eux. Un petit mot sur nos amis d'Entraigues. Nos amis d'Entraigues avaient demandé à ce que le match soit joué dimanche, parce que ils avaient beaucoup de gens qui ne pouvaient pas se libérer samedi après-midi. La fédération a opposé une réponse négative à leur demande, les obligeant à se déplacer du côté de Ferrals pour aller jouer ce match samedi après-midi. Ben voilà, on voit ce qu'il est arrivé. Un gros score, Jean-Yves. Ouais, ils ont pris 50 points parce qu'ils sont allés jouer avec une équipe amoindrie, avec des mecs qui n'étaient pas nécessairement prêts pour jouer ce genre de match. Et puis surtout, la Coupe Laure Derby, Fred, quand tu es une équipe de élite 2, tu y attaches une importance toute relative malgré tout, parce que tu sais que à un moment ou à un autre tu vas exploser. C'est un petit peu comme les petits clubs de foot quand ils jouent la Coupe de France. Et la Coupe de la Ligue surtout aussi. Ou la Coupe de la Ligue, à un moment, ils se disent que soit ils sont super équipés et ils vont la jouer à fond, soit ils sont moyennement équipés. Nos amis Entraigues, ils ont d'autres chats à fouetter cette année que de se jouer la Coupe Laure Derby. Ils doivent d'abord assurer leur maintien, d'abord faire un beau championnat, et puis après, si on peut avoir un peu de chance, on jouera la Coupe Laure Derby, mais en tout cas, c'était pas au programme. Et puis, juste un petit mot sur les raisons, et j'espère que je me trompe, Fred, mais les raisons qui ont poussé la Fédé à refuser ce match à Entraigues. On se souvient que lors des élections il y a quelques mois, les Entraiguois avaient oublié de donner leur voix au nouveau président Marc Palanque, pour ne pas les citer. Donc j'espère que c'est simplement une coïncidence. Ça me paraît une grosse coïncidence, mais alors tu vas dire que j'ai toujours l'esprit un peu tordu et un peu mal placé, mais voilà, c'est bizarre. Carpentras a pu jouer ce match dimanche. Entraigues a été obligé de se déplacer à Ferrals samedi après-midi. Point barre sur la Coupe de France, Fred. On va parler d'une chose un petit peu plus gaie, l'élite 1, avec le SOA qui par contre recevait Saint-Gaudens pour le dernier match de l'année à Saint-Ruf. Les joueurs d'Avignon, nos amis avignonnais, l'ont emporté sur le score sans appel de 38 à 20 aux dépens de Saint-Gaudens. Ils en profitent pour sécuriser du même coup la cinquième place. C'est une belle performance, encore une fois, avec un effectif jeune, malgré tout un effectif qui commence à tourner, qui vient d'enchaîner quasiment 7 victoires d'affilée. Si on enlève le faux pas à Carcassonne la semaine dernière, c'est une équipe qui ronfle un petit peu, quoi. Ils sont juste derrière le quatuor de tête Carca, Limoux, Lézignan et Saint-Estève 13 Catalan. Ils sont en embuscade derrière ces quatre gros, les quatre intouchables. C'est le premier des non-intouchables. Est-ce que tu nous parlerais un petit peu des résultats pour donner encore un petit peu plus d'ampleur de ce que tu nous dis? Oui, je peux en parler des résultats, puisque le temps que je les retrouve. Donc Albi a battu Palo sur le score de 44 à 32. On se souvient, Palo qui avait pris la marée il y a 15 jours à Avignon, ça continue pour eux malheureusement. Limoux a atomisé Toulouse Broncos sur le score de 46 à 10. Je m'arrête sur ce résultat parce que Toulouse, on connaît qu'ils jouent sur deux tableaux. Aujourd'hui, ils sont en mauvaise posture, on dirait presque que on ne joue plus pour rester dans cette élite 1, mais on préfère aller jouer en élite 2, il me semble. Ouais, Toulouse, tu sais, Fred, qui c'est l'équipe B en fait. Hein, c'est une équipe satellite de l'équipe qui va évoluer cette année en Ligue 1, c'est-à-dire la deuxième division pro anglaise. Donc là, Toulouse, ils font avec les moyens du bord. De temps en temps, ils vont faire un coup, mais. mais ils ont vraiment manifestement rien à faire dans ce championnat-là. Ouais, parce que notamment les résultats. Ouais, ben ils ont pris deux bonus. Ils ont en tout cas marqué 116 points et encaissé 350 points. Ça donne un petit peu une idée de leur niveau, malheureusement pour eux. Un autre match qui était sympa à suivre, celui-là, c'était Villeneuve-Carcassonne. Villeneuve, on le sait, c'est compliqué à aller gagner là-bas. Les Carcassonnais l'ont fait sur le score de 25 à 12. On l'a dit, Avignon a battu Saint-Gaudens sur le score de 38 à 20. Et puis, le match qu'il fallait pas manquer, c'était Lézignan 13 Catalans. Et les Audois de Lézignan l'ont emporté sur le score de 28 à 26. C'est, ils sont sur une autre planète, ces joueurs de Lézignan, il me semble. Les quatre, là, Fred, hein, les quatre, Limoux, Lézignan, Carca, et la réserve des Dragons Catalans, le Saint-Estève 13 Catalans. Ces quatre-là sont quasi intouchables. Ils ont plus d'argent, ils ont de très bons joueurs. Il y a tout ce qu'il faut là-bas pour que ça se passe bien. Alors, l'ambition du SOA, pour le moment, c'est d'être dans les 5. Moi, je n'ai pas de mal à imaginer qu'ils peuvent rapidement intégrer le top 4, probablement aux dépens du 13 catalan. En tout cas, je l'espère. Et puis voilà, ce sera une belle saison. Le rugby à 13, c'est le grand repos pour tous ces joueurs. Ouais, le rugby à 13, c'est un petit peu comme pour tout le monde, Fred. C'est grand repos jusqu'à mi-janvier, jusqu'au 8 janvier, me semble-t-il. Voilà, ils vont profiter un petit peu. Ils vont surtout se reposer parce que les organismes sont fatigués. On l'a vu, il y a quelques joueurs qu'on a croisés l'autre jour à Avignon qui sont fatigués physiquement, parce que d'enchaîner des matchs tous les week-ends comme ça, même si tu es prêt, même si tu te prépares, et bien au bout d'un moment ça flingue, quoi, tout simplement. Hein. Les mecs, ils ont joué 10 matchs depuis le début de la saison. On a terminé avec le rugby à 13, ouais, Jean-Yves. Voilà. Top chrono, volleyball. Allez, on va parler un petit peu du volley parce qu'on a des résultats ce soir dans le championnat de France élite. Avignon qui caracole en tête dans ce championnat, tenu de très près par Mende, puisqu'ils sont second dans cette poule d'élite, poule A, élite, bien sûr. On espère pourquoi pas les retrouver en Ligue B dès l'année prochaine. Pour l'instant, ils sont bien partis. Après 10 victoires, après 10 journées de championnat, 2 victoires, une seule défaite, Jean-Yves, une belle victoire à l'extérieur du côté de Cantefeu, il me semble. Hein. Alors attends-le, il faut que... Cantele, me semble-t-il. Ouais. Les Avignonnais, qui caracolent en tête de cette poule depuis le début de la saison, qui font un beau championnat. Et tu le disais, Fred, ils évoluent pour le moment en troisième division. L'élite, hein, c'est la troisième division. Il n'est pas impossible qu'on les retrouve très rapidement à évoluer en Pro B. Ça a été le cas ces dernières années plusieurs fois. Voilà, c'est peut-être leur niveau, la Pro B, et peut-être qu'ils sont un peu trop forts pour l'élite et un peu pas assez forts pour la Pro A. Alors je m'en excuse auprès du président Thierry Boutsen, il me semble. Lui, il aimerait revoir un petit peu Avignon parmi l'élite, mais il aimerait aussi changer un petit peu d'horizon. Saint-Ruf, c'est bien, mais une vraie salle de volley-ball, ce serait mieux. Ouais, c'est Champfleury. Excuse-moi, parce que tellement que on a été, je veux dire, dans cette salle, je me demande même pas si des fois ça appartient pas au club carrément. Parce que cette salle, elle est quelque part pour les volleyeurs avignonnais, elle est un peu mythique parce que. Ils y ont vécu de très belles heures. Il y a une quinzaine d'années, on y jouait la Coupe d'Europe dans cette salle avec l'AVB. Et puis, voilà, maintenant, par contre, c'est vrai que c'est spartiate. Ouais, c'est vrai que... C'est vieillissant, surtout. C'est vrai que c'est vieux, c'est vrai que c'est vieux. Et c'est la salle de Champfleury, elle est un petit peu à l'image des infrastructures sportives vauclusiennes. Avignonnaises, en tout cas, puisque il y a des clubs de village qui ont de plus belles salles que les joueurs de l'AVB, malheureusement, quoi. Ouais, je pousserai mon cri en cette fin d'année 2016. C'est vrai que j'étais à l'Olympique de Marseille, j'étais dans ce stade de Vélodrome avec des jeunes joueurs, mais rien que le stade, ça les fait rêver, les infrastructures. À partir de là, le sport démarre à ce niveau déjà. Il faut donner envie, Fred. Il faut donner envie. Quand tu proposes à un gamin d'Avignon du volley, d'évoluer à Champfleury, bien sûr que ça le fait rêver d'évoluer en élite. Mais est-ce que ça le fait rêver d'évoluer dans la salle de Champfleury ? À un moment, peut-être qu'il va falloir que les Avignonnais, les instances avignonnaises, on a croisé la maire d'Avignon l'autre soir, il va falloir que les instances avignonnaises se posent la question de savoir comment on peut garder des clubs d'élite, des clubs de pro dans cette ville en ayant zéro infrastructure. La piste d'athlétisme est pourrie. Le stade de rugby à 13 est obsolète. Le parc des sports ne sert à rien. La salle de basket, c'est vain. C'est pas non plus du grand luxe. On a refait les plâtres et on a remis un petit peu de peinture. Voilà. Et tout est comme ça à Avignon, malheureusement. Les piscines, il y a une piscine splendide qui est fermée route de Marseille. Il y a les piscines dans lesquelles évolue le CNA. Le CNA qui monte en première division cette année. Hein. Toutes ces piscines-là, t'entends me filer un coup de replâtrage, comme tu le dis, une jolie façade parce que ça fait beau, et puis, c'est pourri quand même. Quoi. Alors, on veut des beaux clubs, on veut un gros club de natation à Avignon, par exemple, et on n'a pas de bassin de 50 mètres. Je sais. C'est tout comme ça. C'est un problème récurrent qu'on sollicite bien souvent dans cette radio parce qu'on a envie que les choses évoluent. Mais est-ce que les politiciens veulent que les choses évoluent dans ce sens-là ? Écoute. Parce que c'est un problème départemental pour moi. Permets-moi d'en douter, mais effectivement. Alors, les politiciens sont bien, hein, ils ont une superbe maison des sports sur la rocade. C'est une belle coquille, par contre, il n'y a rien dedans. Quand tu y vas, il y a deux bureaux. Dont un qui sonne creux et l'autre qui sert de pièce à café. Et le sport vauclusien est géré par ces gens-là. Quoi. Alors, ça donne une idée des résultats qu'on y obtient. Allez, on va juste sauter en National 3, poule A, juste vous donner un petit peu les résultats. Il y avait le Pontet qui se déplaçait du côté de Montpellier-Argentes, il me semble, Argence. Ils ont perdu 3-7 à 0 en volée. Voilà pour les résultats. Bien sûr, Avignon 2, eux, par contre, ne jouaient pas. Puisque là aussi, apparemment, il y a des matchs. Si, ils jouaient du côté de Narbonne, ils ont perdu 3-7 à 0. Ils sont à l'heure actuelle 6e dans cette poule de National 3, poule A. Et on retrouve le Pontet juste derrière, à la 6e place, avec 14 points. Le leader, c'est Narbonne 2, avec 25 points. Voilà pour le volleyball. Top chrono, basket. Ça y est, ce soir, on rentre un petit peu dans le grand dossier des résultats sportifs. On va prendre une grande page pour parler peut-être juste avant. Et si on passait la pub, comment ça, on n'en parlera plus de la pub, tiens. Fly FM présente Top Chrono. Très bien, oui, sauf que le micro serait ouvert, ça serait beaucoup mieux. Merci Gilles de cette petite intro. Et oui, vous êtes dans le Top Chrono, on a bien sûr parlé beaucoup de résultats sportifs. Maintenant, on est passé au basket. Le basket, le gros dossier de la soirée. Vous savez que la défaite samedi soir face à nos amis, j'en ai même perdu le fil de Chaland, 78 à 56. Le grognard de cette émission qui est Jean-Yves va pouvoir reprendre la parole et parler un petit peu cru de cette soirée juste avant d'écouter Lurel, celui qui était l'entraîneur sur le banc, mais tout compte fait, il n'est là que pour donner des conseils. On l'écoutera dans quelques secondes. Tu veux parler de la terrible, terrifiante équipe de Chaland, Fred, qui est venue battre l'équipe du SAP par 15 points, 18 points d'écart à Avignon ce week-end ? Exactement, qui est juste devant, hein. Attention, elle n'est pas terrible, hein. Elle est juste à la 15e place, c'est une équipe qui est certes pas mal, Lurel va le dire, c'est une grosse cylindrée de la Nationale 1, mais tu n'as pas l'air convaincu, tu n'as pas l'air rassuré. Non, je me demande par quoi on va commencer pour dresser un état des lieux. On en a déjà tellement dit, on va peut-être se concentrer sur ce qu'on a vu samedi soir. Samedi soir, on a vu... une équipe du SAP qui n'avait pas de patron, tout simplement. Il n'y avait pas de patron, mais il n'y avait surtout pas d'organisation défensive et offensive. Alors, quand je te dis pas de patron, il n'y avait pas de coach, déjà. Il y a deux coachs qui ont été nommés par le président dictateur Gilles Martin. Deux coachs qui ont été nommés ou désignés, appelle ça comme tu veux, peu importe, Jonathan Collat qui est un brave garçon et Olivier Cotteret, lui aussi c'est un gentil petit soldat. Manifestement ces mecs là ont pas les épaules pour être à cette place là. Ils ont tellement pas les épaules qu'ils s'en sont aperçus d'eux-mêmes, puisqu'ils ont demandé à Antoine Lurel, un des joueurs qui est blessé actuellement, de prendre les clés de l'équipe pendant le match. D'accord ? Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs que là, samedi soir. Le président qu'on a vu à la mi-temps a essayé de se justifier comme il a pu. Mais on voit que le type, il est largué, complet. Alors il viendra s'exprimer ici sur les ondes de Fly FM. Il me l'a promis. Oui. C'est vrai que pour le moment, la rébellion s'est mise en route. C'est pire que Star Wars, comme au cinéma en ce moment, puisqu'il a les bénévoles derrière lui qui n'adhèrent plus à son discours. Mais là, ça commence à être très compliqué. Mais forcément, Fred, que plus personne n'adhère au discours de ce type-là. Ce type-là est au club depuis 2 ans, 3 ans maintenant, d'accord ? Et depuis qu'il est là, il a foutu un bordel noir. Il a foutu un bordel noir. C'est-à-dire que tout ce qui a été bien dans ce club, qui s'appelait les Aigles de Sorgue à l'époque, tout ce qui était bien, il l'a pris et il l'a démonté. Il l'a fracassé, il l'a désintégré. Le problème ce soir, c'est vrai qu'on va le châtier un petit peu ce monsieur Martin. Mais monsieur Martin a été mis en place et a été voulu être le président. Et là, moi, ce que je regrette un petit peu pour les Aigles de Sorgue, c'est qu'on a voulu laisser les clés du camion à cette équipe d'Avignon, dont on connaît un petit peu les rouages et les aboutissants de ce sport avignonnais. Et quand on était en National 1, gagné sur le tatami, sur le parquet par cette équipe de Sorgue, il fallait garder les clés du camion. Pour moi, je reste convaincu qu'il y a eu une erreur de casting. Alors, clairement, il y a eu une erreur de casting. Ça, c'est clair. La fusion, il fallait la faire. Les Sorguets, juste entre Sorguets, ne pouvaient pas jouer en National 1 pendant longtemps, en tout cas. Ils auraient pu jouer une saison, deux saisons. Ils n'auraient pas pu tenir le coup sur la distance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait comme dans tous les autres sports où ça avait déjà merdé. D'accord ? On a fait comme on a fait au rugby, on a fait comme on a fait à droite, à gauche. Et puis on s'est dit, on va aller chercher l'argent de la grande métropole d'à côté, Avignon. Et à Avignon, qui c'était le patron ? C'était un type qui s'appelait Gilles Martin, qui était déjà bon à rien à Avignon-le-Pontet, et qui maintenant est très bon à rien à Sorgues-Avignon-le-Pontet. Donc, ce type-là, on lui a dit, on te file les clés du camion, tu as été un bon président de National 3, et on te file les clés du camion pour être un président de National 1. Ça ne peut pas marcher, Fred. Alors il est arrivé en faisant des grandes promesses, je vais vous filer de l'argent, je vais vous filer ci, je vais vous filer ça. Il n'a rien apporté, il apporte des VIP. Alors par contre, c'est superbe, on voit des vagues de VIP aller directement à la gamelle avant le match. On les voit dès que le match va commencer, une vague venir s'asseoir dans les tribunes. Dès que la mi-temps est sifflée, la même vague qui se barre pour manger, et puis qui retourne... Non, mais ça ne peut pas marcher. Et quand on essaie de parler à Gilles Martin, et il nous dit, ah ben oui, mais tout le monde est contre moi, mais bien sûr que tout le monde est contre toi, monsieur Martin, bien sûr, parce que si tu prenais au moins une décision intelligente dans la saison, tout le monde ne serait pas contre toi. L'an dernier, il y avait un mec qui s'appelait Stéphane Dao au club. Stéphane, il est resté au club pendant 6 ans. Il les a fait monter du niveau de la mer jusqu'en National 1. Et alors, juste un petit peu pour le parcours. Hein. National 2, Sorgue arrive, on recrute Stéphane Dao. Stéphane Dao arrive, la première année, ils sont éliminés dans le fameux, comment tu appelles ça, au rugby à 13, le tournoi fort. Ouais. Fortune, là où c'est que toutes les équipes, les 8 meilleures équipes, se rencontrent sur un immense week-end. Et ça démarre le vendredi, ça finit le dimanche après-midi. Et on a le vainqueur qui monte directement en National 1. La deuxième année, et bien cette fois-ci, ils sont au rendez-vous, Sorgue. Sorgue va décrocher le Gotha, puisqu'ils vont être champions de France. Mais juste avant, ils offrent l'une des plus belles pages du basket à Sorgue. C'est le quart de finale de la Coupe de France, où c'est que Paris-Levallois, avec toutes ses stars et ses joueurs internationaux, se déplacent du côté de Sorgue. 3500 spectateurs dans une salle de basket. on se dit, oui, le basket a une place sportive dans le giron vauclusien, et bien c'est bien vrai. Et tout cela se termine par ce fameux jumelage qu'on croyait éternel et bon, et bien tout compte fait. Non, mais on va pas refaire le coup de la mariée, qu'on oblige à se marier avec, avec le mec qui a de l'argent. C'est bien dommage. Et on demande à ces types-là de se barrer. Donc je reviens là-dessus. On dit à Stéphane Dao la saison dernière, ben Stéphane, merci, hein, parce que on t'avait filé une équipe de merde, mais malgré tout, tu as réussi à nous sauver encore une fois de la descente. Et ben pour te remercier, on te vire. On te vire toi et on te vire avec ton adjoint. Alors tous les deux se barrent. Stéphane, il a aucun doute sur ses capacités. La preuve, c'est que il voulait prendre une année sabbatique, il est resté 15 jours sabbatique. Il est parti entraîner en Pro B. Donc finalement, peut-être que le mec a des qualités, mais c'est pas sûr. Il faudrait demander au génie Martin si Monsieur Dao a quelques qualités. Alors juste pour rebondir sur ce que tu dis, je suis en train de regarder le résultat, parce que Stéphane Dao n'était pas aux manettes de Vichy, puisqu'il était, malheureusement, il fallait qu'il déménage, il avait pris 2 jours de congé. Eh bien, Vichy a perdu dans sa salle. 75 à 85, le patron n'était pas là. Mais oui, Fred. Fred, tu sais quoi? Dans tous les sports du monde, depuis la nuit des temps, on a inventé des entraîneurs. Pourquoi tu crois que les clubs mettent autant d'argent tous les ans pour recruter des entraîneurs? Non, mais c'est sûr, Mais ça, c'est pas... C'est juste ça. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on vire Stéphane Dao, et en début de saison... Grande nouvelle, on a trouvé la grande personne, Sylvain Lautier. On va en parler 2 minutes de lui. Sylvain Lautier, il a pris le groupe qui avait fait une bonne saison l'an dernier, malgré tout. Il leur a dit, bon, barrez-vous, allez, vous, je ne vous veux pas, je prends mes joueurs. Il a fabriqué un groupe qui valait ce qui valait, et Sylvain Lautier... Il a fait un carnage, tout simplement. Il a fait un carnage. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, là, on a croisé des joueurs qui ont juste viré Sylvain Lautier du vestiaire. Et quand on sait qui a fomenté un petit peu la rébellion, on ne peut pas mettre ce type-là en cause, hein, puisque dans les meneurs, en tout cas, de la rébellion, il y avait un mec comme Jeremy Jaeger, un Américain. D'accord, Jeremy Jaeger, c'est un mec qui a fait des universités aux États-Unis, qui connaît un petit peu le basket, qui a, avec Stéphane Dao l'an dernier, quasiment sauvé la saison du SAP à lui tout seul. Dès qu'il est arrivé, l'équipe a été transfigurée. Là, il est arrivé là et il s'est retrouvé sous les ordres de Sylvain Lautier, quoi. Sylvain Lautier, avec des méthodes de management. Et combien il va être rémunéré, ce garçon, pour pouvoir quitter le club, parce qu'il n'a pas encore quitté, il faut le savoir. Peu importe, mais qui se barre, lui et tout le monde, Fred. Il faut qu'à un moment, tous ces gens-là prennent leurs responsabilités et voilà, fassent quelque chose. Allez, on va revenir sur cette soirée, parce que c'est vrai qu'on ne sait plus quoi dire, tellement les résultats sont navrants. Je vous propose d'écouter un Lurel dont j'ai pris à la sortie du match. J'ai voulu un petit peu le piéger, mais l'homme était aguerri à faire des saltos arrière, ouais. Vous allez voir. On va reparler 2 petites secondes après d'Antoine Lurel, parce que finalement, c'est un bon mec. Oui, bien sûr que c'est un bon mec. Allez, Lurel. Bon, ce soir, on sera encore une nouvelle défaite pour le SAP, ici, à domicile, face à Chaland. En concurrent direct, on va dire, parce que bon, aujourd'hui, on lutte. Peut-être pour pas descendre ce soir. Bah, clairement, pas depuis que ce soir. Hein. On lutte depuis maintenant un bon moment pour ne pas descendre. C'est les nouvelles ambitions. Hein. On avait 2 ambitions au mois d'août. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Il faut sauver le club. En N1, ça va être la nouvelle mission de 2017. Ce soir, on perd. En plus, on en prend 20 alors qu'on fait l'effort. C'est ça qui est terrible. On fait l'effort. On perd de 10 points au début. On prend 10-0 en 2 minutes. On fait l'effort jusqu'à la fin pour revenir, recoller. Et dans les 2 dernières minutes... Prendre un éclat comme ça, c'est en plus le goal average va sans doute jouer. Alors Chaland est sans doute une belle équipe, mais voilà, maintenant on va devoir se battre pour repasser devant eux, puis une autre équipe, aller en chercher une troisième. Ça va être dur, c'est pas fini, mais ça va être encore plus dur. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas compliqué d'être un joueur comme tu as été et aujourd'hui passer dans un nouveau statut de coach de cette équipe? Non, c'est pas moi du tout le coach. Hein. Il y a Jonathan Collas, assistant, et Olivier Gautré qui sont là. Après, je sers un peu de relais parce que j'ai pu aussi être joueur et du coup oui, je suis un peu relais, mais c'est pas du tout moi le coach. On attend justement que le nouveau coach arrive pour pouvoir avoir des nouvelles choses qui soient mises en place en attaque et en défense. Après, pour répondre à votre question, oui, c'est dur. Il y a beaucoup de frustration de ne pas être sur le terrain. C'est encore plus dur d'être sur le côté et de ne pas jouer. De ne pas être sur le terrain, c'est très très frustrant, surtout quand ça se passe comme ça. Si on gagnait les matchs, on va dire que la blessure passerait plus doucement. Là, c'est très dur. Le président a dit quoi? C'est une situation qui va perdurer ou après la trêve, tout va revenir à la normalité avec peut-être un nouveau coach? Pour l'instant, les dirigeants nous ont dit que la situation était terminée avec notre ancien coach. Maintenant, c'était à nous de rester solidaires. Jusqu'à Noël, la situation sur le marché après des coachs fait qu'il n'y avait peut-être pas la solution de trouver quelqu'un tout de suite, très rapidement, quelqu'un qui connaisse la division. Je pense que ça va être chose faite après Noël. En tout cas, le message, c'était voilà, de rester solidaire et d'aller chercher des victoires. On passe à un point il y a 2 semaines à domicile. Là, on n'est pas loin de recoller, même si on prend 20 en finale. Mais voilà, c'est très frustrant. Ton sentiment, les joueurs sont adhérents, tu penses à un nouveau challenge après la rentrée? Après, les joueurs n'ont pas le choix. À un moment donné, maintenant le coach a changé. On peut lui dire que, enfin, tous les mots venaient du coach. Maintenant, il a changé. À un moment donné, il faut aussi que tout le monde se remette en question. Les joueurs, les dirigeants, le coach, tout le monde. Là, le coach a changé, il y a un nouveau coach qui va arriver. Bon, bah, ça va être à nous aussi de nous regarder et de voir le travail qu'on produit. Et où est-ce qu'on peut s'améliorer et quelle qualité on produit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dernier, donc on peut faire que mieux. Merci. Voilà, je crois que Lurel a été explicite. J'ai essayé un petit peu de chercher ce qui a été, qu'est-ce qu'il y avait de caché derrière. Mais non, je crois que le garçon a été réel et il s'est ouvert un petit peu à moi en me disant ce qu'il ressentait lui aussi de son côté et les problématiques qu'il allait y avoir encore parce qu'il n'y a rien de réglé. En tout cas, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas prendre ses responsabilités à Antoine Lurel. Il les prend. Il les prend en étant sur le banc. Il les prend en encourageant les gars. Et il les a pris en acceptant de devenir de manière presque naturelle le leader de cette équipe et en tout cas le leader technique de cette équipe, puisque on a vu les deux coachs qui avaient été désignés par le président complètement amorphes l'autre soir. Des mecs belle chemise blanche quand même. Superbe chemise blanche qui descendait à peu près au genou. Bon, ça c'est un détail de mode, mais au-delà de ça, connerie mise à part, Fred, parce que c'est énervant, mais un mec comme Antoine Lurel, il a été décrié des fois quand il est sur le parquet. Tout le monde d'ailleurs est décrié à un moment. C'est un garçon que j'ai toujours apprécié, c'est pour ça que je suis allé le voir, parce que je savais que lui parlerait et il mettrait pas des gants, et à la fois il serait très positif dans son discours. J'ai essayé un petit peu d'en savoir un peu plus, mais bon, il a resté. Non, mais après, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Pas grand-chose. Tu veux qu'il te raconte la même chose? Alors, je vais te raconter ce qu'il aurait dû te dire. Stop. On va passer avec Stéphane Dao, parce qu'on est en train de tourner autour du chat qui va essayer de se mordre la queue, qui n'y arrivera jamais. Allons-y. Et avec Stéphane Dao, l'ancien entraîneur du SAP, de retour ce soir dans les tribunes pour assister à ce match contre Chalon. Stéphane, tes impressions après ce match? Déçu, parce que je connais les joueurs du SAP, donc j'ai pas retrouvé les joueurs que je connaissais dans l'attitude, dans le sourire, comme je disais. Donc je suis très déçu de voir ce qui s'est passé ce soir. Qu'est-ce que c'est qui pêche selon toi? C'est le physique et le mental? Bon, je pense qu'il y a une accumulation de beaucoup de choses. Donc à partir de là, quand mentalement déjà on y est plus, physiquement ça prend le pas sur le physique aussi. Après, il y a aussi une belle équipe de Chalon en face. Hein. Faut pas enlever la perte de Chalon. Maintenant, on sent qu'il y a des joueurs qui jouent pour jouer. Ils jouent plus pour se faire plaisir. Et ça, c'est un gros problème dans le basket quand on joue vraiment comme pour aller au travail. Quoi. Donc, à mon avis, il faut absolument qu'ils retrouvent un petit peu d'envie. Un petit peu d'envie pour aller chercher les quelques matchs qui leur permettraient de se maintenir. Est-ce qu'il reste, selon toi, un espoir pour sauver la saison ou ça paraît déjà pas mal compromis? Bon, on est qu'à la moitié de la saison là, donc j'espère pour eux. Maintenant, ça dépendra du nouveau coach, comment il reprendra l'équipe en main. Et si le coach arrive à recadrer un petit peu tout ça et à ramener du plaisir sur le terrain, je pense qu'il y a un groupe qui est quand même. Je connais certains joueurs qui sont de qualité dans ce groupe, donc pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retard de prix et que ça va être très compliqué d'aller chercher une place de non-relégable, surtout après avoir. comme je disais tout à l'heure, après, c'est une défaite, mais en plus un goal à virage qui peut faire mal à l'arrivée. Merci Stéphane. Voilà, on va juste fermer cette page de National 1 Basket, juste pour revenir sur le dernier mot de Stéphane. Ça sera dur d'aller chercher une place non relégable. Ça sera dur parce que les mecs sont abîmés. Ouais. Il va falloir que le coach qui arrive, au-delà de bosser le basket, il y en avait un de coach dans les tribunes l'autre soir, c'est Sens, l'ancien entraîneur de ex-Maurienne, un mec qui connaît un petit peu le basket et puis qui a des méthodes diamétralement opposées de celles de Lautier. Il va falloir que ce mec-là arrive avec énormément de tact, de diplomatie et qui remettent tous ces mecs-là en confiance, parce que ce que nous disaient les joueurs l'autre soir quand on parlait avec eux, c'est qu'ils sont pas fatigués physiquement. Bien sûr que physiquement, eh ben, la trêve, ils ont joué depuis 3 mois, tous les week-ends ils sont un peu carbo, mais là où ils sont le plus abîmés, c'est mentalement. Eh bien, on suivra ça, cette affaire, de très très près. Espérons que Noël sera très bonifiant pour eux. On est en train de me faire bégayer parce qu'il y a la pub encore. Top chrono, rugby à 15. Eh bien, le rugby à 15, on va changer. On va revenir bien sûr 2 secondes sur le joueur disparu du côté de Vaison avant de voir le résultat avec Didier Bougon. Ça va changer un petit peu. Attends, Didier, 2 minutes. T'es obligé de dire ça parce que dès qu'il démarre, il ne s'arrête plus non plus. On va revenir avec Jean-Yves pour ce joueur qui a disparu malencontreusement suite à un accident et qui a été retrouvé par ses collègues puisqu'il était sapeur-pompier volontaire du côté de Vaison. Et on a été très touchés. Et mon témoignage et surtout ces mots se vont tout droit à la famille et aux proches qui ont dû subir malheureusement cette douleur qui a dû être immense puisque le rugby aussi est en deuil. Ouais, Fred, on voulait peut-être dédier en tout cas cette émission à ce joueur de Vaison qui est décédé dans un accident de la circulation en début de week-end, la semaine dernière, me semble-t-il. Et ben voilà, juste pour lui rendre un petit hommage, c'était un bon joueur de rugby, c'était un bon mec, pompier professionnel à la base aérienne d'Istres et pompier volontaire à Vaison-la-Romaine, et aussi rugbyman, puisqu'il évoluait dans l'équipe de Vaison. Son départ va laisser un grand vide probablement parmi ses joueurs. Et il faut peut-être pas chercher plus loin la raison de la défaite de ce week-end. Ça a dû être très très très compliqué pour ses potes de jouer ce match. Merci pour cet hommage rendu à ce jeune joueur. Les résultats avec Didier Bougon, on va directement, bien sûr, c'est plus la porte de Provence. Première série. Première série, donc nous avons les Pennes Mirabeau qui écrasent Orange par 52-0. Ensuite, Vauvert, Gignac, Marignane 40-3. Tarascon, Perne 26-0. Et le derby entre Digne et Gap, Digne n'a pas fait de cadeau à Gap, 60-10. Et dans ce championnat, c'est les Pennes Mirabeau qui sont en tête. Et deuxième, nous trouvons quand même Sorgue Renouvez qui pointe son petit bout de nez. Ensuite, on descend à la 6e place avec Orange qui est 6e avec 10 petits points, puisque le dernier, c'est Gignac Marignane avec 6 points. Alors en deuxième série, Vidourle, Plan d'Orgon 29-0, Uvaux de Marseille, Vaison 17-5, Gardanne Oraison qui explose Fort-Calquier 43-0. Donc en tête de ce championnat, c'est Uchaud avec 26 points, Plan d'Orgon 26 points, on va descendre un peu plus bas, on trouve quand même Bolène et Vaison qui sont 4e et 5e, et en dernière place, c'est Oraison avec un petit point. Si tu veux, je continue pour la troisième. Oui, fini. Alors, Pertuis qui se fait battre sur ses terres par Saint-Rémy 10-25, Graveson, Perne, je vois 25-0, mais il doit avoir un forfait. Enfin 25-0. Bon, Montfaucon, Tarascon 20-0, Saint-Andiol, Gémenos 15-27, Madosque contre Pont-Saint-Esprit 11-15, et c'est Gémenos qui est en tête de son championnat. Saint-Rémy est 3e avec 30 points, et pour descendre à la dernière place, c'est Tarascon, bon 10e avec 5 petits points. Merci Didier, juste un deux mots, Pertuis qui a perdu à domicile, Philippe Folbaum ne devait pas être aux anges. Ah, ça devait ronfler dans les vestiaires à la fin du match. Top chrono, football. Allez, on revient avec du football avec Monsieur Henry. Les résultats, c'est vrai que la Ligue 1, eh bien, l'Olympique de Marseille a gagné 2-0 face à Lille. J'étais au stade Vélodrome et là aussi, encore une fois, tout à l'heure, je disais, on parlait des infrastructures. Je peux t'assurer, j'étais juste derrière l'entraîneur de l'Olympique de Marseille puisque j'ai eu la chance une fois de plus. Je n'ose pas employer ce terme, mais c'est vrai que la personne qui s'occupait des places m'a mis juste derrière le coach Rudy Garcia. Et c'est vrai que j'ai vu tous les joueurs, j'ai vu un petit peu comment évoluer un coach de Ligue 1. Ben lui aussi, il vit à 120% le match, c'est de la folie. Et le problème, c'est que ce qui m'a plu, c'est qu'il n'a même pas besoin de demander qui doit rentrer, puisque c'est bien fait, c'est déjà pré-orienté avant, et il ne s'occupe que du match, et au fur et à mesure qu'il regarde, rien que son coup d'œil, on sait qui c'est qui doit remplacer certains joueurs. C'est vraiment un autre monde, j'ai vraiment très apprécié cette façon de voir le football. Maintenant, c'est à toi, M. Henry. Parlons un petit peu de nos clubs dans la région. Donc, ce week-end, on va commencer par, on va dire, le club phare, hein, le Pontéan CFA, groupe D, qui se sont inclinés contre Fréjus Saint-Raphaël. Donc, la saison risque d'être dure et surtout longue si les résultats ne changent pas. Sachant que le prochain match se déroulera mercredi, c'est mercredi 21 à 18h. Donc, ils vont rencontrer un concurrent direct, car les deux équipes sont dernières du championnat. Donc, le Pontet jouera contre Montpellier à 18h mercredi et ça sera un match très très important. Alors Léon dit, toutes les informations qui m'étaient revenues sur ce club ne sont pas, on va dire, divulguées, parce qu'on voit les résultats aujourd'hui et on s'aperçoit que l'équipe dirigeante ne s'en sortira peut-être pas. Ouais, mais je pense que cette équipe-là, si elle ne se réveille pas, elle va droit vers la descente. Il n'y a pas de secret. Allez, on ira faire un tour après un CFA2 et là, ça sera encore bien plus compliqué. La suite alors. Donc la suite, en DH, Saint-Jean-Beaulieu jouait contre Pernes. Pernes a effectué un match solide et va faire un match nul à l'extérieur, 0-0. On passe ensuite en DHR, poule A, où Arles-Avignon continue sur sa lancée et bat à domicile Ascagne-Croix 2-1. Val Durance, après un très bon match, fait un match nul 3-3, sachant que les adversaires ont égalisé à la 90e minute. Donc, c'est deux points de perdu bêtement sur une erreur défensive. Ouais, en plus, c'est joué face au Rove, une équipe très dure. Hein, je veux dire, c'est la banlieue de Marseille. On connaît un petit peu le ballon rond, l'attachement qu'ont ces clubs à faire des résultats. Et c'est vrai que Val Durance, ça a dû être un match assez tendu, on va dire. Ah, le match a été tendu, mais sérieux de leur part. Mais dommage qu'il y a eu cette faute en fin de match qui permet à l'équipe adverse à revenir sur un score de 3-3. C'est dommage. On passe en DHR, poule B, où le Pontet rencontrait Gap. Et le Pontet perd à domicile 1-2. Défaite du Pontet et... après une bonne entame de match où ils ont eu trois occasions franches, mais ils n'ont pas pu concrétiser leurs occasions. C'est dommage pour eux. Très bien. Nous passons au match de Courtaison qui jouait contre Mandelieu. Donc défaite à domicile de Courtaison, 1-3. Courtaison a été diminué dans ce match car il y a eu pas mal de blessés dans leur équipe et bien sûr des suspendus. Donc il y avait 6 joueurs titulaires qui étaient absents lors de ce match. Mais ce qui veut dire qu'ils reflètent tout à fait le score de Mandelieu qui a presque, on va dire, infligé une lourde défaite à domicile pour ces équipes de Courtaison. 3-1, c'est pas une petite défaite. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais bon. Là c'est la trêve, donc à la rentrée j'espère qu'ils récupéreront les joueurs surtout blessés. On retrouvera le président à nos côtés dès la rentrée. Il viendra sur les zones de Fly FM et là aussi nous parlerons de ce club de Courtaison, du Sporting, voir un petit peu l'évolution qui seront après les fêtes dans ce championnat de DHR. Nous allons passer ensuite à la PHA. Le match du week-end opposait les deux équipes de tête et les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 1 à 1. Passons sur les autres résultats, où Saint-Rémy perd contre Carpentras à domicile 1 à 2. Courthézon contre Nove 1 à 0. Lille bat Veden, est battu par Veden à domicile 2 à 3. Tarascon-Nyons 0-0. Berne est battu par Boulbon 1 à 3. Montfavet est battu par Avignon à domicile 0 à 1. Ah, je continue. Nous passons ensuite à la PHB, poule A. Le Pontet est battu par Étoile d'Aubune, 2 à 3. RC, Provence, Saint-Jean-du-Gré, 3 à 1. Saint-Didier, Étry, Rasto, 5 à 2. Barbantane est battu par Jonquière, 1 à 2. Moussane bat Entraigues, 2 à 1. Molégès, Calavon, 2-0. Et Cavaillon bat Monteux, 3 à 1. Donc Cavaillon continue également sur sa lancée et occupe toujours la première place de la poule. Ouais, battu. Et Carpentras, que fait nos amis du club de Carpentras? Parce qu'on savait qu'eux aussi sont en bagarre pour retrouver une place dans le championnat méditerranéen, ça veut dire en division d'honneur régionale, la fameuse DHR. Aujourd'hui, est-ce que le parcours de Carpentras peuvent espérer faire partie un petit peu du voyage pour l'étage supérieur? Vu les matchs sérieux et surtout solides qu'ils font, ils ne peuvent que continuer à progresser. Donc on est déjà à la moitié du championnat et les résultats ne sont pas mal. Ce sont de très bons résultats. Merci Henri, est-ce qu'on avait oublié quelque chose? La Gambardella, c'est pas pour tout de suite, ça viendra sûrement après. Hein. Oui, la Gambardella, c'est pour plus tard. Donc il y avait également la poule B en PHB qu'on a mis de côté. Donc Velleron rencontrait Sorgue et perd à domicile 0 à 3. Villeneuve, Château-Renard 1 à 1. Orange bat Dentelle 3 à 0. Malocène, Gadagne 2 à 5. Violès, Avignon 3 à 2. Camaret bat Égalière 5 à 1. Et là, c'est Luberon, Carpentras 1 à 2. Et le dernier résultat, c'est en DH féminine, où les féminines de Monteux sont allées battre Saint-Cana 8 à 0 à 8 à l'extérieur. Le même score que lors du match de Coupe de France. Eh bien, parfait. Merci pour ces résultats. J'ai bien aimé la deuxième partie. Il va falloir, mon petit Henri, que ça aille un petit peu plus vite. Mais c'est parfait. Au moins, les personnes qui voulaient noter les résultats ont eu largement le temps de prendre le stylo, un papier, un crayon, pour pouvoir noter tout ce qu'il a été dit. Bon, un petit peu de chamaillerie, mais je peux vous assurer que ça me fait très plaisir de l'avoir dans l'équipe, Henri. Et lui aussi, il fait ses premières joutes à la radio. Et malheureusement, ça va venir tout doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que pour les féminines, là, elle s'est appliquée, mais 8 à 0. Je me demande s'il n'y avait pas un coup de la carotte. Ah, tu aurais bien aimé avoir la carotte, toi. Hein. Bon, allez, on continue. Top chrono, hockey sur glace. Allez, on va parler deux minutes de hockey sur glace avec Jean-Yves, puisque hier soir, samedi soir, on est allé voir un petit peu cette deuxième division, poule B, les Avignonnais qui recevaient Mont-Blanc. On a cru à l'exploit dans le deuxième tiers-temps. Malheureusement, le troisième a été fatal encore pour cette équipe d'Avignon, qui ne s'en sortira pas. Mais on a quand même un scoop ce soir. Il va y avoir, on va dire, du rattrapage dans l'air, puisqu'après ce championnat, il y a un nouveau championnat qui va démarrer. Et il y aura les quatre derniers de quatre mauvaises équipe de ce championnat A et B de deuxième division, et c'est le plus mauvais des 8 qui descendra. C'est compliqué, mais moi non plus. Non, c'est 2 et 2, je crois. 2 et 2, c'est ça, ouais. Alors, ben, écoute, pas de miracle pour nos amis Castor, malheureusement pour eux. Comme à l'accoutumée, serait-on tenté de dire, puisque ça fait une paire de week-ends qu'ils perdent dans le troisième. Ils arrivent à faire jeu à peu près égal pendant les deux premiers, tiers, et puis sans qu'on comprenne pourquoi, systématiquement ils explosent dans le troisième. C'est dommage parce que cette équipe montre de belles choses, malheureusement. Alors ils vont maintenant probablement laisser passer un petit peu l'orage, et puis il y aura, comme le disait Fred, une deuxième phase qui va concerner les deux derniers de la poule de National 2 et les deux premiers de la poule de National 3. Et ça sera le dernier qui descendra. Alors ça peut encore sauver nos amis avignonnais. En tout cas, on l'espère, parce que à chaque fois qu'on y va, on est toujours très très très bien accueillis. Et puis c'est toujours sympa d'avoir une belle équipe de hockey à Avignon. Voilà pour les résultats de sport. Ça va être focus et on reviendra bien sûr sur le coup de pied de la mule. Mais tout de suite. Après tous les résultats, s'ouvre Focus ce soir avec nous. Il y aura Aurélien Caillé. On parlera bien sûr de cet athlétisme de Sorgue, l'athlétisme Sorgué, le club 84 qui renaît de ses cendres et qui ne cesse de grandir. On espère un jour ou l'autre retrouver le cross de Sorgue qui a été relancé, mais à Sorgue. Et pourquoi on n'aurait pas les moyens? On va essayer tout à l'heure de décrypter ce qu'on pourra faire pour revoir le cross à Sorgue dans la montagnette de Sorgue, dont le parcours bien souvent me rappelle de bons souvenirs. Avec nous Florence Gonfalone, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Bonsoir Florence, éducatrice de l'association Atom, c'est l'aide aux handicapés à la pratique du sport et partenaire bien sûr du club Sorgué. Et avec nous un Sorgué parisien, Châteauneuf-Vois. Vous le connaissez tous, Bédaridé. Bip, bip, Bougon, il est bédaridé aussi. Salut Didier. Je me suis déjà présenté tout à l'heure. Didier, revenons un petit peu juste avant de donner la parole à tout le monde. Et à côté de moi, pardon, parce que lui, je l'ai oublié, c'est un ancien retraité de la SNCF. Non, je plaisante. Il s'occupe bien sûr de ce coup de pied de la mule. Il fait partie de ses bénévoles. Il était au cœur de l'événement. C'est monsieur déjà? Serge Chavernac. Allez, lui, je vais marquer son nom parce que je vais l'oublier, Serge. En principe, des Serges, j'en connais une locomotive, mais malheureusement, ils n'ont pas tous le même nom. Ils s'appellent tous par prénom, Serge. Bonsoir, Aurélien, juste avant de donner la parole. Bonsoir. Et Florence, comment va Florence? Ça va. Voilà, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu jongler avec Didier qui se chippe souvent le micro. Problème. Est-ce que c'est des personnes que tu connais, Didier? Tiens, oui, je les ai vues sur le terrain, puis les idées sont là et ça fuse avec eux. C'est quoi qui fuse? C'est les mots? Parce que là, attention, on est bien bâti. Nous avons Jean-Yves. Oui, je sais. Pour m'opposer à lui, ça va être dur, mais on va essayer. Hein. Je vais me mettre en stand-by pendant 5 minutes. Je vais vous écouter, puis j'interviendrai. Allez, Serge, on va revenir avec Serge 2 minutes, juste avant de laisser la parole à Didier Bougon, parce que lui, il va nous parler du coup de pied de la mule. Encore une réussite fabuleuse. Encore 1000 participants. On aurait pu faire beaucoup mieux. Malheureusement, aujourd'hui, c'est assez compliqué. On connaît la surface de la salle, puisqu'il y a tout de prévu dans ce coup de pied de la mule. Il y a à la fois la course, mais il y a aussi le repas papalestre, on va dire, tout ce qui entoure aussi tous ces bénévoles et ces coureurs. Et malheureusement, on est toujours limité par ces 1000 participants. Serge. Oui, pour le moment, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus. Tiens, Didier Bougon qui va revenir. Il a pris la place de Jean-Yves. Jean-Yves reste pas très loin parce que ce soir, c'est bien sûr la dernière, juste avant de couper les marrons. On va revenir sur ce coup de pied de la mule, Didier, juste avant d'écouter bien sûr toutes les protagonistes et surtout le président Serge Audu. On reviendra bien sûr sur ses propos. C'était vraiment une réussite. Réussite, disons qu'ils ont voulu limiter, au lieu d'être à 1200, ils ont voulu limiter. Ils sont en dessous des 1100, ils sont à 1050, 1070. Disons que le compte y est. Mais dans l'ensemble, c'était quand même une réussite d'une par le temps. D'une part, toujours cette ambiance qui est grandiose, puisque en même temps, ça allie à la fois le sport et puis le côté festif pour cette dernière semaine avant les fêtes. Et puis, entre autres, malgré certains propos, comme tu l'as dit, de Serge Audu, qui sont un peu dans le négatif, je pense que l'année prochaine, ça vaudra le coup comme de fêter la 10e anniversaire de cette course. Il y aura ce 10e, mais c'est vrai qu'il était très touché. Mais tiens, rien que pour ça, on va rester... Et on va parler avec toi, avec Fournassier, qui est le co-président, il me semblait. Alors, Charlie, c'est le vice-président. Puis Charlie, il a une sacrée casquette, entre autres, à côté professionnel, puisque tu le connais bien. Bien sûr. C'est un des gros préparateurs physiques du RCT Toulon. Et il est hyper demandé. Il est sur le terrain avec Toulon à droite à gauche. Hier, il n'y était pas, mais il était donc au coup de pied de la mule. Et ça lui arrive des fois de revenir du RCT Toulon dans la nuit, entre un avion, et comme c'est-à-dire l'année dernière. Et dans la nuit, il est arrivé à Châteauneuf pour cette course. Là, cette année, il a pu un peu plus poser les valises. Mais je peux vous dire que... C'est un professionnel, et ça, on n'en doute pas une minute. Je vous propose d'écouter. Alors, bien sûr, Pourquoi le coup de pied dans la mule, vous allez le savoir. Et juste après, il y aura Fornassi avec Didier Bougon. Avec le pape, comment s'est passée cette course du coup de pied de la mule avec le pape? Comme chaque année, c'est un vrai bonheur de voir cette manifestation. Ces gens qui viennent prendre du plaisir juste avant les fêtes, c'est formidable. La météo est avec nous, les dieux sont avec nous, c'est formidable. Vive la vie! Je suis en compagnie de Charlie Fournassier, principal instigateur de cette magnifique course de la mule du pape. Or Charlie, tes premiers mots après cette course? Déjà une belle satisfaction qu'il n'y ait eu aucun problème, que tout s'est bien déroulé pour les 1021 coureurs entrants. Donc ça c'est le point positif, pas de problème au niveau de la signalisation, une belle fête, une belle réussite. Et on fera l'analyse après un peu plus à froid avec l'ensemble des personnes concernées, mais je pense qu'on peut dire que la 9e édition s'est plutôt bien déroulée. Ouais. Voilà, ça a été bref, mais je le pouvais. Parce que maintenant, on va écouter Serge Audu et on reviendra bien sûr avec, on va dire, le porte-drapeau du Crédit Agricole, c'était Muriel Urtis. Ça sera juste après Serge Audu. On prendra une petite pause juste pour parler de ce coup de pied d'ami de Serge Audu. Allez, avec Serge Audu, le président de cette foulée Castel Papal. Président jusqu'à quand, tiens? Une question un peu bizarre, mais... Oh. Jusqu'à, alors attends, mars 2018. Donc encore une année entière, une année pleine. Et puis il y aura de nouvelles élections. La difficulté dans les élections, c'est surtout de trouver des candidats. Parce que pour être élu dans les associations, comme chacun le sait, c'est assez facile. Et ma difficulté, c'est de trouver un candidat qui acceptera de continuer à organiser la course. Ce qui, vu l'événement, l'importance et l'implication que cela implique, il va falloir trouver une personne qui ait du temps libre. Et c'est pas simple à trouver. Voilà. Ouais, parce que le Vaucluse a besoin de courses comme ça. On se souvient il y a quelques années la disparité du Tour des Remparts. On a trouvé, on va dire, à quelque part avec le coup de pied de la mule, un nouveau européen, une ambiance de coureurs qui fait une saison, les mecs viennent, s'amusent, prennent du plaisir. Il y a toute une mise en scène derrière qui est fantastique pour ces coureurs. On n'aimerait pas la voir disparaître. Oui, moi non plus, simplement, ça, c'est la 9e année. Personnellement, et les cadres de l'organisation, ça prend beaucoup de temps. Et puis les bénévoles aussi prennent toujours autant de plaisir à l'organiser. Et en même temps, peut-être qu'ils ne seraient pas opposés à une petite pause d'une année ou deux années pour peut-être reprendre les forces et être encore plus motivés, même si la motivation est toujours présente, ce qui est toujours incroyable. Cette année, nous sommes 140 bénévoles et de plus en plus de bénévoles souhaitent participer au coup de pied de la mule parce qu'ils ont la fierté d'être organisateurs. Et c'est là que se situe ma fierté, c'est de voir autant d'engouement autour de cet événement que j'ai créé en 2008. Dès le départ, je savais que ça allait être un succès parce que j'étais sûr de mon coup, mais à ce point-là, quand même pas. Donc c'est un vrai plaisir, une grande satisfaction pour moi. La difficulté d'être président de club, parce qu'on voit des présidents qui ont mis les choses en place et tout, et que dans la longévité, ils n'arrivent pas à tenir, parce que c'est quoi? C'est l'administratif, c'est convaincre, je vois des gens de venir, pas être partenaire de cette opération qui est déjà un immense succès. C'est quoi qui... C'est... Ouais, la difficulté, ça prend beaucoup de temps, parce que comme chacun le sait, le diable se cache dans les détails. Donc non, moi je n'ai aucun souci administratif, aucune contrainte liée à la municipalité qui nous soutient, celle-là comme la précédente. Je n'ai pas de souci à trouver des bénévoles, je n'ai pas de souci à trouver des partenaires, je n'ai pas de souci à trouver des coureurs. Simplement, c'est le temps dont je dispose qui est très amputé par l'organisation, parce que même s'il y a une délégation du travail qui peut se jouer sur les dernières semaines, pour moi, le coup de pied de la mule débute au mois de mars et se finit après la course. Donc c'est beaucoup de travail. J'y travaille pas tous les jours, mais régulièrement. On essaie de remettre en place des éléments qui ne sont pas parfaitement déroulés. Je suis assez perfectionniste, mais de toute manière, pour être certain de réussir une épreuve pareille, il faut être perfectionniste, parce que lorsque le matin, vous avez 1200 personnes qui se présentent, la moindre erreur est fatale. Et donc, il faut penser à tout. Et c'est surtout ce travail-là qui m'occupe beaucoup. Et moi, je suis en profession libérale. J'ai déjà beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'idéalement, ce serait une équipe de personnes un peu retraitées qui pourraient y travailler toute l'année et moins être comme nous à y travailler que les dernières semaines. Et ça permettrait peut-être de le continuer, mais ça, on verra. Et dans tous les cas, il faudra que les bénévoles adhèrent à souhaiter renouveler la course, parce que je sens peut-être une petite envie de certains, des cadres, de faire une petite pause. Voilà. Merci. Alors ça c'est triste, hein, parce que bon, moi je connais bien Serge Audu, quelqu'un avec qui on a traversé beaucoup de choses, puisqu'on avait fait un relais à Châteauneuf-du-Pape grâce à Lombard en course à pied, hein, on était 8, on était parti pour un relais de 700 km, il avait fait partie avec moi de ses coureurs, et beaucoup de choses. Aujourd'hui, sentir un Serge Audu qui a la voix un petit peu tremblante et qui sent que cette course et ce club lui fuit un petit peu entre les doigts. Et malheureusement, certains cadres veulent carrément arrêter la course. C'est quelque chose qui est terrible, parce qu'on connaît, quand on arrête une course, logiquement, ça ne repartira pas, Didier. Bah, disons que tu connais le problème. Il y a déjà deux ans, Serge s'était représenté pour reprendre l'association au niveau à la fois de la course et puis aussi de l'association au niveau course à pied. Personne ne voulait se représenter. Puis là, on sent bien qu'il est en train de lâcher les rênes. Et derrière, il y a bien des jeunes, mais ils ont un emploi du temps très chargé. J'en ai discuté avec un ami de Charlie Fornacier. On va mettre les pieds dans le plat, parce qu'on a avec nous Aurélien Caillé, hein, qui fait partie du club d'athlétisme de Sorgues 84, dont j'ai porté les couleurs pendant plusieurs années jadis, quand j'étais beaucoup plus jeune. Le problème, Aurélien, on sait que le coup de pied de la mule est une référence pour la foulée Castelpapal. La foulée Castelpapal voulait devenir un club, on va dire, très proche de l'athlétisme, puisque on va dire que certains cadres râlent un petit peu sur cette organisation qui devient numéro un pour ce club de course loisir. Et aujourd'hui, changer la donne, devenir un club affilié à la Fédération Française d'Athlétisme, est-ce que Châteauneuf en a l'ossature et les épaules pour porter un tel poids, parce que il n'y a rien de simple dans tout ça, peut-être tu peux me répondre. Il n'y a rien de simple. Après, la foulée Castelpapal, je ne vais pas parler au nom des dirigeants ou des entraîneurs de la foulée Castelpapal. Je n'ai pas tous leurs projets, je n'ai pas toutes les informations concernant leurs différents projets. Après, ce que je peux dire, c'est que la foulée Castelpapal a un partenariat avec le club d'athlétisme de Sorgues. C'est bien ça, ouais. C'est pour ça que je te tac. Oui, non, le partenariat marche plutôt bien, puisque effectivement ils ont une école d'athlétisme, ils ne sont pas affiliés à la Fédération Française d'Athlétisme, et donc il y a un partenariat qui a été monté avec eux depuis quelques années, et on a des jeunes de Châteauneuf qui s'entraînent à Châteauneuf avec leurs entraîneurs dans les jeunes catégories, c'est-à-dire de 6 à 10 ans, et après, ces jeunes-là sont invités à nous rejoindre, ce qu'ils font dans la plupart des cas. Donc effectivement, on est très content de ce partenariat. Je ne sais pas si demain le club de Châteauneuf souhaite rallier la Fédération Française d'Athlétisme. En tout cas, je peux vous répondre. Le club de Châteauneuf est un partenaire aujourd'hui du Sorgues Athlé 84, et on souhaite continuer le partenariat, puisque ce partenariat marche très bien. Didier ? Bah, il a tout dit, hein. C'est vrai que dans les années, on avait eu Charlie Collin. N'ayez pas peur, Didier a toujours peur de dire les choses. Il ne faut pas se gêner, sinon je vais prendre Jean-Yves. Ça va aller plus vite, hein. Tu vas voir. Je suis prêt, les gars, je suis prêt. Non, juste pour te dire, je te renvoie la balle, parce que quelque part, aujourd'hui, le président Serge Audu est acculé par ce malaise récurrent que certaines personnes disent que la foulée, il n'y en a que pour le coup de pied de la mule. Ils aimeraient bien voir un petit peu venir des athlètes qui portent les couleurs, qui, oui, dit oui, Jean-Yves. Il a peut-être quelque chose à dire. Non, juste que bizarrement, ce sont toujours les gens qui font, qui se retrouvent jugés. Serge Audu, qui se lève l'âme toute l'année pour faire vivre sa course et maintenir son club sous assistance respiratoire, et bien voilà, comme souvent dans les clubs, il se fait un peu emmerder par des gens qui s'investissent qu'à moitié, puis qui sont là pour récupérer la gloriole, et puis ces gens-là qui disent « Ah non, mais tu nous emmerdes avec ta course, il faudrait qu'on passe à autre chose. » Ben ouais, bien sûr, propose, viens aider, viens bosser, et puis après tu pourras la ramener si tu as envie de sauver quelque chose d'autre que le coup de pied de la mule, et ben tu le sauveras. En attendant, c'est moi qui suis aux manettes et je sauve ce que je veux. Voilà. Bah, disons que allons-y. On va revenir avec Serge après, hein, parce qu'on va faire parler tout le monde ce soir, et puis on n'oublie pas Florence. La semaine dernière, nous avions eu Charles Collin qui était un des anciens présidents, qui avait fait un gros boulot, et déjà au niveau des jeunes. Et comme il l'avait résumé, bon, il n'a pas envie de reprendre le club. Il est là en tant que bénévole pour aider au niveau des jeunes, pour aider aussi au niveau de Sorg, pour entraîner ses jeunes au niveau de l'athlétisme et surtout au niveau des minous. Mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'à un moment, il y a une association qui risquait de se créer pour différencier à la fois la course, la mule du pape, le coup de pied de la mule, et puis l'association. Alors Didier, moi, alors, ouais, donc, alors, voilà, juste une chose, hein, c'est pour ça qu'il y a Aurélien Caillé qui nous a bien un petit peu aiguillé tout à l'heure, et moi j'aimerais mettre l'accent sur ça, ne se trompons pas d'objectif. Voilà. Le club d'athlétisme de Châtelain-du-Pape est un club loisir, qui a une référence, c'est une course, le coup de pied de la mule, c'est un petit peu la vitrine de ce club. Aujourd'hui, si on veut aller taper dans du club Fédération Française d'Athlétisme, aujourd'hui, ne faisons pas n'importe quoi. N'allons pas marcher sur les plates-bandes d'un club qui existe et dont je vante un petit peu les mérites. C'est le club d'athlétisme 84, dont j'ai porté les couleurs. Sorg-Athlée 84, wow. Soyons braves. Le S5 84. Hein, bon, voilà, n'allons pas faire n'importe quoi, n'allons pas un petit peu empiéter et essayer malheureusement de casser la dynamique qui est en train de se mettre en place à Sorg pour créer un club à Châteauneuf-du-Pape qui nous aura dans un avenir proche, du Bindi. La disparité totale. J'espère que non, hein, j'espère que non. Simplement, au contraire, c'est, le fait de... Non, non, mais soyons clairs, parce qu'à un certain moment, je fais un certain métier qui se rapproche un petit peu du culinaire. C'est comme si j'ai pris des caisses à outils, bah, j'ai démonté une voiture. À un certain moment, je ne vais pas y arriver, quoi. Disons qu'au niveau des jeunes, ça a relancé quand même un certain dynamisme au sein de l'association, et puis en même temps avec le dynamisme des entraîneurs du club de Sorg. Et c'est ce que je veux, moi. C'est que ces jeunes coureurs aillent à Sorg. C'est le but. Et moi-même, tu sais très bien que je vais le mercredi encadrer quelquefois à Châteauneuf-du-Pape, et heureusement que j'ai Bédarrid qui est là, parce que l'engouement, il vient plus de Bédarrid que de Châteauneuf. Oui, et là tu es carrément dans la course loisir. Je suis dans la course loisir, mais j'ai quand même des gens de Bédarrid qui cherchent à avoir ce côté conseil et de ne pas aller à droite à gauche et de faire du n'importe quoi. Et ce qui est dommage, c'est qu'avant, bon, on peut le dire, hein, à Châteauneuf-du-Pape, c'était 15 personnes qui étaient là le mercredi soir. Et puis depuis 3-4 ans, bon, ça se résume à 5-7, et puis ça va, hein, ça va. Et alors que la régularité au niveau de Bédarrid, je le constate, est quand même à plus de 10 personnes, ça ouais, va même vers 20 personnes. Hein. Serge, deux mots pour clôturer un petit peu ce coup de pied de la mule. J'ai vu qu'il y a des petits papiers, mille concurrents, allons-y. Peut-être qu'il y a quelque chose à rajouter, Serge. Mais moi, je suis bénévole et j'occupe des fonctions de signaleur. Ouais, ça se passe très bien. Ah oui, l'ambiance est bonne et c'est festif après, quoi, c'est super. Serge est ton bon président. Ah ben, moi, je ne le connais pas spécialement, mais moi, chaque fois que je viens, chaque année, ça fait 3 ans, et je vois que tous les participantes, c'est génial. Moi, je trouve qu'il faut que ça continue. Oui, parce qu'on était revenu, hein, une fois, j'avais taquiné. Alors là, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le sujet. On va juste rebondir avant de revoir Aurélien Caillé et parler, parce que là aussi, moi aussi, j'étais très attaché à cette soirée de juillet à Sorg, hein, quand je courais au mois de juillet. Didier aussi, Bougon, a couru dans ces soirées de juillet, et qu'on aimerait revoir un petit peu plus... enrichi par des coureurs venus d'ailleurs, comme il y a eu quelques années en arrière, espérons qu'un jour on le verra. Florence Confalone, éducatrice de l'association Atome, c'est bien sûr les handicapés. Les handicapés sont très friands, puisque j'étais au stade Vélodrome, et moi je suis toujours très attaché à voir que, même avec l'handicap qu'ils ont, ils ont cette ferveur du sport. C'est pareil en athlétisme ? Tout à fait. Nous, on accueille des sportifs déficients intellectuels uniquement. D'accord, pas moteur. Qui ont des troubles associés parfois, mais ce n'est pas leur handicap majeur, on va dire. Et ce partenariat avec le Sorg Athlée 84, c'est pour eux une bouffée d'oxygène, je pense, tous les mercredis à 18h. Ils sont sur le pied de guerre, ils ont le maillot, ils n'ont pas les points, mais pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Pas mais ils sont super motivés et ils profitent à fond. Ils sont 6 pour l'instant. On a toujours ce relais avec une personne valide, je veux dire, qui est tout à fait normale, à donner des conseils, parce qu'on sait que les gens handicapés, vous avez pu voir les JO dont j'ai suivi, et dont même j'ai eu la larme à l'œil par un moment, parce que j'adore ça, quoi, de voir des gens qui se surpassent avec le handicap qu'ils ont. Quoi. Alors malheureusement, on n'a pas vu beaucoup, à mon sens, de sport adapté, c'est-à-dire de sport qui représente des personnes en situation de handicap mental. On a vu beaucoup plus d'handisport, mais ouais. On en a vu. On en voit de plus en plus, donc c'est super. Mais aussi bien au niveau local, la SORG, ils se donnent autant à fond. On a participé au cross du SORG Athlée 84 et il y a encore 2 semaines. Et c'était génial. On avait l'impression d'être au JO. Il n'y a pas besoin d'aller à Rio. On va juste rebondir avec Jean-Yves qui s'occupe un petit peu aussi du sport handicapé. Mais là, c'est moteur. Hein. Oui, parce qu'ils sont sur des fauteuils. Le mercredi soir, tu veux dire? Oui, que ce soit le rugby à 13. Hein, on a des sportifs qui sont polyvalents, qui font plusieurs sports, quoi. Écoute, moi, je suis très fan du sport handicapé, tu le sais, Fred. Et voilà, j'ai une fibre particulière quand je vais au gymnase, que je vois ces mecs-là, valides ou non valides d'ailleurs, et souvent les valides mais ont autant de mérite parce qu'ils se mettent eux-mêmes en situation d'invalidité. Juste pour pouvoir participer au même niveau, ben ça m'interpelle, ça me touche. On avait reçu l'an dernier Guillaume Motz, qui nous avait collé une leçon de savoir-vivre et de respect, de machin, appelle ça comme tu veux. On a rencontré les gens du hand à Mazan, du hand handisport. Pareil, tous ces gens-là te filent une belle leçon et très souvent un bon coup de pompe dans le derche aussi pour faire passer tes petits bobos au second plan et puis voilà. Allez, cette belle analyse de Jean-Yves. Aurélien, aujourd'hui, quand tu as des athlètes comme ça qui viennent, est-ce qu'il y a un entraînement spécifique? Est-ce que c'est un petit peu plus compliqué? Peut-être, tu peux répondre, Florence. Hein, tu peux aussi nous Florence, dire. Florence, elle est en train de me mettre des petites notes à côté, mais je ne l'avais pas oublié. En fait, donc, ce qui se passe par rapport au partenariat sport adapté, oui, tous les mercredis après-midi, donc au stade Badafier, comme l'a dit Florence tout à l'heure, il y a 6 personnes donc en situation de handicap mental, des adolescents ou des jeunes adultes, qui viennent pratiquer l'athlétisme avec un éducateur spécialisé de chez Atom. Et le problème, tout se passe bien au niveau du gestuel, du sport, quoi, hein, parce qu'il faut se surpasser, il faut s'entraîner. Est-ce que tout ça est bien analysé, même avec le handicap, Florence? Alors, les exercices sont adaptés. Dans bien le sûr. Sens où Mickaël donc Ferrec qui intervient et enseignant en APA, activité physique adaptée, donc il n'a pas la spécificité athlétisme, mais il a la spécificité d'encadrer le sport auprès de ce public avec les conseils techniques d'Aurélien, souvent qui vient regarder les entraînements. Mais très franchement, on est dans de l'athlétisme pur pour ça, moi. Ça t'apporte aussi un petit peu rien de voir des garçons comme ça, des gens qui ont cet handicap, quoi, et qui essaient de s'entraîner, de faire des résultats. Comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, le fait de voir des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que la plupart d'entre nous, se donner à fond, courir sur la piste du stade Badafier sans que les regards des personnes valides soient là pour les juger, c'est déjà une première victoire. Et quand on voit leur sourire lors du dernier cross qu'a organisé le club il y a une quinzaine de jours, on va y revenir avec c'était juste magnifique. Et moi, quand je vois le sourire de Florence et de Mickaël, l'éducateur, après cette compétition, on est ravis et je pense que ce partenariat, il va durer pour un petit bout de temps. Florence, il n'y a que de l'athlétisme chez Atom ou tu as d'autres jeunes sportifs dans d'autres disciplines? Alors, c'est la seule discipline hebdomadaire, mais d'accord. Sinon, on organise des activités sportives presque tous les week-ends et culturelles aussi, tous les week-ends pour des ados et des adultes en situation de handicap. Beaucoup de jeunes sont touchés. Alors, beaucoup sont touchés, malheureusement, oui. Après, nous, on intervient aussi dans des établissements spécialisés. Donc, c'est là surtout qu'on recrute, entre guillemets, nos adhérents qui ont besoin de loisirs et de souffler. Et les familles aussi, on oublie d'en parler souvent, mais ont besoin de respirer. Donc, ces jeunes, ils sont les bienvenus chez nous. Tu es exactement le relais. C'est toi qui fais un petit peu le relais entre les personnes recrutées et l'athlétisme avec Aurélien. Voilà, et leur donner on essaye le coup de dispatcher les compétences et du coup, je pense que tout le monde s'y retrouve. Et moi, je suis très très contente de ce partenariat. Ça s'est fait par hasard, mais c'est génial. J'aime ce hasard, c'était bien. Parlons un petit peu, Didier, de ce cross de Sorgue. Alors, ce cross de Sorgue, messieurs, vous m'avez entendu tout à l'heure en préambule, on va revenir. Aurélien, tu auras ton mot sûrement à dire sur mes propos aujourd'hui. Moi, je suis bien triste Mais malheureusement, c'est mon cœur qui parle, il n'y a rien à faire, hein, c'est comme ça. De se retrouver à Châteauneuf-du-Pape avec une course qui n'appartient qu'aux jeunes, c'est très bien, et qui a l'absence de seniors, et qu'on n'a pas pu trouver à Sorgue un parcours dans cette montagne de leçons qui pourrait accueillir vraiment une belle épreuve de cross. Messieurs. Alors, je vais laisser Aurélien te répondre, puisque moi je connais les aboutissants, pourquoi ça s'est fait à Châteauneuf-du-Pape. Et ensuite, par contre, ce que je vais te dire, c'est qu'au niveau du cross de Sorgue, je t'ai dit, il n'y avait pas loin de 300 enfants. Et 300 enfants, ça veut dire que ça représente autant que lorsqu'il y a le championnat départemental de cross. Donc, ils ont fait autant que le comité de Vaucluse. Donc maintenant, je laisse Aurélien te répondre. Alors, comme vient de le dire Didier, hein, 300 participants. Gros succès au niveau de la manifestation. Donc cross qui a été réservé uniquement aux catégories jeunes, c'est-à-dire des veilles à cadets, athlètes âgés de 6 à 16 ans. Une quarantaine de bénévoles, une grosse mobilisation, que ce soit de la part du club, que ce soit des gens de Châteauneuf-du-Pape. La mairie de Châteauneuf-du-Pape a été un partenaire qui nous a vraiment bien aidé pour organiser ce cross. On a des gens aussi de la foulée Castelpapal qui ont participé à cette organisation, donc je les remercie. Concernant le cross de Sorgue, oui, effectivement, moi je comprends la question. Pourquoi le cross de Sorgue a eu lieu à Châteauneuf? Tout le monde se pose la question. La réponse, elle est simple, c'est que le parc des sports Badafier connaît actuellement une série de travaux avec la réfection de son terrain de football. Donc il n'était pas possible pour nous d'organiser un cross digne de ce nom à Sorgue cette saison. Il était trop compliqué d'envisager des parcours à la montagnette de Sorgue, puisqu'au niveau logistique, organiser un cross, ça ne se fait pas comme ça. Et donc il était plus facile pour nous de démarcher Châteauneuf-du-Pape, la foulée Castelpapal et la mairie, et d'organiser ce cross là-bas. Donc j'espère bien que oui, effectivement, dans les années à venir, on puisse organiser un cross avec autant de succès à Sorgue. En tout cas, comme le disait Didier, on est très content de ce cross à Châteauneuf. Ça a été vraiment une réussite pour nous. Et l'objectif, voilà, comme nous l'a confié le comité de Vaucluse Athlétisme dernièrement, c'est d'obtenir l'organisation des départementaux de cross en 2018. Voilà. Allez, on passe à la pub, on revient sur ce dossier du cross de Sorgue. Eh bien, on est revenu avec Didier Bougon, on parle de l'athlétisme. Didier, on a Aurélien Caillé avec nous, on a Serge, comment déjà ? Serge Chavernac. Chavernac, un vrai bénévole, quelqu'un qui est très attaché. Tiens, Serge, juste avant de donner la parole à Didier Bougon, et on a bien sûr Florence Gonfalone qui est avec nous, l'éducatrice de la société Atom. Association, j'y tiens très fort. Association, pas société. Ah non, association, oui, ouais, c'est vrai. Ça fait mal. Aïe. Ouais, non, c'est le problème, c'est au niveau du portefeuille. Didier Bougon, peut-être Jean-Yves, je pourrais dire pareil. Alors, Serge, tu as donné un petit coup de main, tiens, je vais te tutoyer ce soir. Est-ce que tu as donné un petit coup de main au cross de sang? Ah non, je n'ai pas été avisé. Et ils t'ont pas appelé? Non. D'accord, mais voyez, je recrute pour vous, messieurs. Je viendrai. Il faut recruter. Ça nous fera un bénévole supplémentaire pour Didier. Je vais avoir mon petit mot là. C'est que Serge, pourquoi je l'ai fait venir ce soir, il représente, disons, tous les bénévoles. En plus, c'est un Montilien et je le vois dans beaucoup de courses. Courses sur route, à droite, à gauche. Il va même aider Serge Jolin. Serge Jolin, le fameux trail du Ventoux. Hein. Oui, qui a lieu au mois de mars. Il est de partout. Il adore. Et en même temps, il me dit, mais j'habite Monteux. Il passe à la radio, là. Mais oui, il fallait venir, Serge, c'est sûr. Donc, Serge, il y a aussi la course qui est au calendrier du Vaucluse, qui se passe au mois de... C'est quoi? C'est au mois de mai. Ici à Monteux. Début juin, hein, c'est bien ça. Ça doit être le 4, je crois. Là aussi, tu es mis à rude contribution. Oui. Bien sûr. Merci, Serge. Didier, peut-être? Ah oui. Bon, on va pas passer l'interview parce qu'il y a eu un petit problème au niveau du montage. Ça concerne quand même une personne référente sur Châteauneuf-du-Pape. Mais moi, je vais te passer. Juste avant de revenir, mais excusez-moi parce qu'on l'avait complètement oublié, je vous propose d'écouter Muriel Hurtis. Voilà, Muriel. Ça dure 3 minutes. Et après, on revient avec vous. On finit à 20h, on essaiera un petit peu de pousser un petit peu les murs parce que j'ai plein de questions à poser. J'espère qu'on va revenir. Muriel, ambassadrice un petit peu du Crédit Agricole. Aujourd'hui, l'athlétisme c'est fini, je pose la première question. Il y a deux questions dans tout ça. Il n'y a pas l'échelle. Oui, l'athlétisme c'est terminé. J'ai fait pourtant une belle carrière de 16 ans d'équipe de France avec des beaux résultats, malgré tout, parce que je n'ai pas été champion de la piste, mais j'ai gagné de bronze quand même. Mais maintenant, tout ça c'est passé, c'est derrière. Et aujourd'hui, j'ai d'autres activités. Alors je continue le sport, mais de manière différente. Je cours moins. Je découvre d'autres sports dans lesquels je me fais plaisir. Et puis j'ai aussi, maintenant, depuis le mois de septembre, une mission dans la région, développer le label Le Sport pour Valeur et d'accompagner les clubs qui ont la démarche de s'investir dans la formation, dans l'accompagnement et dans la pédagogie chez les jeunes. Muriel, on n'est pas surpris quand on voit tous ces gens et tous ces coureurs à pied dans des petites courses qui sollicitent Muriel pour une photo. On peut s'apercevoir un petit peu la popularité qu'on a quand on est peut-être dans le monde de compétition, on n'a pas trop le temps de se poser. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'athlète, je ne me rendais pas forcément compte de ce qu'un athlète pouvait amener en tant qu'émotion, voir autant de personnes être supporteurs. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Aujourd'hui, je me rends compte avec tous les témoignages, les félicitations qui font chaud au cœur. Et c'est vrai que c'est toujours des moments de partage et d'échange agréables. Là, et maintenant, alors, ton axe de travail, c'est de promouvoir la course à pied, le Crédit Agricole. C'est une nouvelle vie, quoi. Oui, c'est une nouvelle vie. Un autre livre qui s'écrit, mais qui me passionne tout autant. Alors, on m'a dit du sport d'équipe, c'est vrai? Du sport, Muriel? Oui, sport d'équipe. Donc, oui, j'aime bien découvrir. Bah, j'ai découvert le rugby à 7 cet été, donc je m'initie. Le football américain aussi, c'est sympa. Donc, voilà, c'est des sports que je découvre et à travers lequel je me fais plaisir. Ma dernière question, l'athlétisme est toujours une valeur sûre pour les jeunes parce qu'on sent que le cross c'est compliqué, les courses populaires sont d'actualité, mais après les clubs on sent qu'aujourd'hui c'est difficile pour la jeunesse pour venir à l'athlétisme. Oui, mais l'athlétisme c'est déjà la base de tous les sports, hein, donc courir, avoir un bon foncier, ça sert, hein, dans tous les sports, et on le voit même dans les sports collectifs que les sportifs apprennent aussi à courir. Donc commencer par l'athlétisme, je trouve ça très bien. Après, c'est vrai que c'est une discipline et une activité sportive qui n'est pas facile, hein, pour les jeunes. Mais quand on a de bons éducateurs qui savent transmettre et qui savent donner, faire vivre leur passion, ça passe tout seul. Merci. Allez, on revient. Merci à Muriel Urtis. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle passe son temps à donner beaucoup d'elle, des conseils, et puis à la fois de rendre un relief positif de l'athlétisme. Et justement, elle a tout dit juste à la fin, là, quand elle a dit, quand on a un bon éducateur ou de bons éducateurs qui savent faire passer les messages. Ce message, je connais maintenant Aurélien depuis un certain temps. Je savais que tu allais passer la pommade. J'en étais sûr. T'es fort. Si tu permets, il sait les faire passer au niveau des jeunes, parce que c'est un sport qui est quand même assez dur. Il n'y a pas un autre message à passer? Si. Le message, c'est à Michel Rive, que je félicite, avec toute son équipe de la maison de retraite de Châteauneuf-du-Pape, qui sont venus courir, et en même temps, ils avaient deux personnes âgées, accompagnées en jouellette, et qui était bien encadré. Je m'excuse auprès de Michel si tu m'écoutes. Ton interview, on n'a pas pu le passer, mais chapeau à toi et à toute ton équipe de ton établissement. Merci Didier. Voilà. On revient avec Aurélien. Aurélien, on pourrait parler un petit peu de ce club athlétisme. Combien aujourd'hui de jeunes? Qu'est-ce que les horaires ont changé? Qu'est-ce qui est programmé, on va dire, pour le Sorgue Athlétisme 84? Aujourd'hui, le club de Sorgue Athlé 84, c'est environ 150 licenciés. Pour plus de la moitié âgés de moins de 16 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau des catégories jeunes. Tout à l'heure Didier parlait de moi, je suis pas tout seul au niveau du club. Il y a des gens qui sont éducateurs au sein de ce club comme Carmine Albanaise, Jean-Jacques Onic, Maël Maître, qui participent eux aussi au développement de ce club. Donc après, quels sont les projets de Sorgue dans un avenir proche? Ben, c'est de continuer justement à ce développement au niveau des jeunes catégories. Comme le disait Didier tout à l'heure, les jeunes, ils sont attachés, ils sont pas attachés viscéralement à leur maillot. Ce soir, je vous ai amené un maillot de Sorgue parce que voilà, on a parce refait le maillot. Il est très très beau. On va le mettre en photo. Tout à l'heure, on prendra la belle photo avec Jean-Yves et on le mettra bien sûr sur notre. C'est très gentil. Et les jeunes aujourd'hui, ils sont pas viscéralement attachés à un maillot ou à un nom de club. Ils sont attachés à deux choses. Pourquoi ils viennent chez nous? Ils sont attachés à leurs éducateurs, et ils sont attachés au groupe de copains-copines qu'ils pourront avoir. Voilà. À partir de là... Est-ce qu'on aura un jour le club de sang un senior qui participera, qui portera les couleurs haut du Vaucluse, comme il y a eu jadis il y a quelques années? Alors je vais quand même, par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, l'année dernière on a eu quand même deux personnes qui ont été qualifiées au championnat de France. Alexandre Ferrando en cadet, qui a représenté le club donc au niveau des France jeunes à Châteauroux. Super. Et Florent Arnaud, donc, qui est senior, qui s'est qualifié pour les France de cross qui ont eu lieu au Mans. Donc il y a de l'athlétisme aussi qui est fait au niveau des seniors, même si c'est vrai qu'actuellement on manque un petit peu de gens dans cette catégorie, mais le développement sera fait aussi dans ces catégories-là prochainement, c'est l'objectif. Je n'en doute pas du tout. Florence, on revient vite pour deux mots. Florence Gonfalon. C'est moi. Oui, éducatrice de l'association Atom. Atom, c'est présent de partout. C'est donner envie à ces gens qui ont de l'handicap de faire du sport, de faire de l'athlétisme, et c'est vraiment ton rôle. Atom, c'est dans le Vaucluse depuis 2011 et on espère être là encore longtemps. On a une cinquantaine d'adhérents actuellement, des bénévoles qui encadrent des activités, des séjours de loisirs, de vacances. On essaye d'emmener nos jeunes vers de nouveaux horizons, de nouvelles disciplines et de se faire plaisir. Quelle est ta plus grande satisfaction? C'est d'avoir en retour ces jeunes qui sont malheureusement touchés mentalement et qu'ils arrivent quelque part à te donner à toi aussi du plaisir. C'est ça, et c'est là que je rejoins Aurélien. Pourtant, on n'est pas du tout sur la même discipline à la base et les mêmes pratiques, mais ils viennent aussi pour le noyau d'amis qui s'est constitué. C'est une asso qui est très conviviale. On essaye de rester familial. On peut venir dans cet asso pour des fois. Il y a des gens qui aiment donner d'eux-mêmes. Ah, mais avec plaisir, on accueille tous les bénévoles. On peut retrouver une adresse quelque part. L'association Atom a un Facebook, donc vous tapez Atom, A-T-H-O-M. Ou alors le 06 on a toute l'actualité de ce coup 37 31 97. Il y a tout. Là, je viens de mettre une photo de nos têtes à Fly FM, donc on est hyper connectés. Merci Florence. On va lier et puis on va finir avec Didier parce que Didier a des choses à quoi dire. J'ai rien de particulier à rajouter par rapport à ce que vient de dire Florence, hein, si ce n'est que je souhaite longue vie à notre partenariat au niveau du sport adapté, et voilà, et vivement 2018. Moi, je donne rendez-vous à tous les amateurs de cross au départementaux de cross qui auront lieu à Cavaillon le 8 janvier prochain, et vous verrez que le nouveau maillot de Sorg Athlé 84 sera bien représenté, et on compte bien faire quelques podiums. Tu seras là le 9. Il y aura des coureurs handicapés aussi. Tu reviens le 9 janvier? Le 9 janvier, pourquoi pas, avec plaisir. Ben, ça sera avec toi qu'on commentera, bien sûr. C'est championnat de France, c'est championnat de Vaucluse, pardon, de cross-country. Allons-y Didier, dernier mot, parce que c'est la fin. Bah, je souhaite à tout le monde, à tous nos auditeurs et auditrices, de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve donc le 9 avec une équipe autant dynamique que je connais. Merci Serge d'être venu. Merci, vous aussi. Je vous souhaite un joyeux Noël. Peut-être dernier mot pour mon ami Jean-Yves. Ouais, ben juste pour souhaiter bonne fête à tout le monde et puis on se retrouve le 9 janvier. Allez monsieur football, pour qu'il va nous dire souhaiter peut-être un joyeux Noël. Bonne fête aux auditeurs et à toute l'équipe. Gilou. Bon Noël à tout le monde. Eh bien je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve à la rentrée. Faites un beau réveillon, on sera en 2017. Bye bye, à très bientôt et faites du sport. Fly FM sera toujours à l'écoute. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béducy, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.beducy.fr.